Chez Dolbo Auto, venez célébrer les 100 ans de camions Chevrolet avec le Silverado 1500 2018 à cabine double à 176 $ aux deux semaines au taux de 1,5% ou le Colorado 2018 à cabine multiplace et à caisse courte à 183 $ aux deux semaines ou 1,9% au taux de location pendant 48 mois. Dolbo Auto, 1770 Boulevard Wahlberg, au numéro de téléphone 418-276-0580. Monsieur Stéphane Fortin et tout son personnel souhaitent un bon festival de la Gourgane à la population d'Albanel et félicitent les organisateurs. On va parler avec la chronique de baseball, toujours avec l'excellent Bruno Boudreau. Salut Bruno. Salut Dan, ça va bien? Ça va bien. Bruno, j'ai une petite anecdote à faire. J'aime toujours ça, donner il y a 36 ans, il y a 30 ans, et ainsi de suite. Il y a 36 ans aujourd'hui, les Expos remportaient leur 1000e victoire de leur histoire au Wrigley Field de Chicago par la marque de 4-1. Steve Rogers avait été le lanceur gagnant, avait lancé un match complet. Gary Carter, son 21e circuit de la saison. Bruno, je ne sais pas quel âge que tu as, mais dans ces années-là, un match au Wrigley Field 4-1, c'était pas normal. Ouais. Je sais pas si tu te rappelles du temps, là, ça a changé un peu au Wrigley Field, parce que quand le vent soufflait vers l'extérieur, un match n'était jamais fini. Mais cette journée-là, ça devait souffler vers l'intérieur, sûrement. Oui, puis tu sais, dans le fond, c'est des années où j'ai moins suivi. Ouais. En fait, j'étais très, très jeune à l'époque là, des années 80. Mais au début des années 90, avant justement que le Wrigley, là, ça change et qu'il y a aussi éventuellement, on a commencé à jouer des matchs de soir. Ouais, là, je pense que c'était au milieu des années 80 où qu'on a enlevé la politique. On jouait juste des matchs de jour. Fait que ça a changé aussi un peu la donne à ce moment-là. Dès qu'il y a eu plus de matchs de jouer en soirée, les résultats ont venu à changer aussi en raison des conditions météo qui variaient du jour au soir aussi du côté de Chicago. OK. Donc, c'est une belle anecdote que j'aime toujours ça partager. Bon, c'est la date limite des échanges. Ça bouge pas mal. Il y a encore beaucoup de rumeurs qui circulent. Les dernières que j'ai vues, c'était sur TSN ce matin, sur le site de TSN, c'est que Matt Harvey serait sur le marché. On dit que les Brewers de Milwaukee seraient intéressés à lui. Et il y a Larico Asbibal Cabrera des Mets qui serait sur le marché également. Quatre équipes, les Braves, les Brewers, les Phillies seraient également dans la course pour l'obtenir. C'est un bon joueur dans la course, celui-là. Évidemment, on est acheteur. Il va en avoir d'autres sûrement. La plus grosse transaction, moi, c'est sûr que J.H., ça nous touche plus, là, parce que c'est les Blue Jays. Mais Zach Britton, tu sais, c'est là qu'on voit que la relève, comment c'est important hein, dans les éliminatoires. Puis on n'a jamais assez de bons releveurs. Les Yankees, qui étaient déjà extrêmement forts en relève, vont s'en chercher un autre. Oui, puis ça, je pense, c'était aussi avant du côté des Yankees qu'on sache qu'on allait acquérir J.H. Puis tu l'as dit, la relève est importante. Juste l'année passée, Dan, il y a eu 73 départs dans les séries qui ont été faits par des lanceurs dans tous les matchs. Ouais. Et il y en a même pas la moitié que les lanceurs ont duré plus que 5 manches. Mm. Fait qu'on voit plus ça, là. Il y a des matchs, il y a des exceptions, des gars comme Justin Verlander, comme Chris Sale, il y en a quelques-uns, mais dans la plupart des matchs dans les séries, quand t'as atteint 5 manches, c'est un très, très bon départ. Puis après ça, ben, tu vas vouloir rouler le plus de releveurs possible. Donc, on a ajouté une force. C'est un peu la même chose, hein, si on regarde du côté des Aces d'Oakland. Moi, j'aime bien les Aces. Puis, depuis qu'on s'est parlé il y a 2 semaines, ils continuent à bien jouer et à se placer pour les séries. Et ils ont cherché Familia du côté des Mets de New York. Et c'était une des forces des Aces, la relève. Puis le problème pour Oakland, comme pour bien d'autres équipes, c'est que ça coûte beaucoup trop cher pour acquérir des lanceurs partants. Donc, eux se sont dit aussi bien aller continuer d'amener des releveurs. Puis on va donner moins de pression sur nos lanceurs partants dans les derniers droits de la saison, peut-être pour se rendre aux séries. Donc, c'est une mode qu'on voit de plus en plus. Écoute, Zach Britton avec les Yankees, tu te demandes à un moment donné qui vont faire lancer quand, tellement ils ont des bons releveurs. Et par contre, c'est là que tu comprends aussi pourquoi ils ont été chercher un gars comme J.A. Happ. Ils n'ont pas besoin d'aller chercher un lanceur de premier plan directement. Tu sais, Happ, c'est plus un troisième, quatrième partant qu'un premier partant. Mais t'as peut-être pas besoin, quand un gars comme Happ peut te donner 3, 4, 5 bonnes manches, c'est tout ce que tu as besoin que l'encours de relève que tu as. Et ça te coûte moins cher que d'aller chercher le relanceur numéro 1, justement, qu'une autre équipe pourrait laisser aller comme un comme DeGrom, par exemple, avec les Mets. Effectivement, puis tu nous as parlé justement, les Mets de New York sont sur le lanceur le plus attirant. Il y a eu Cole Hamels également qui a été échangé hier. Moi, je trouve le lanceur le plus intéressant qui c'est sur le marché actuellement, c'est Jake DeGrom. Oui. Et est-ce que les Mets vont le laisser aller? Tu as parlé d'Asdrubal Cabrera. Est-ce que les Mets, c'est un peu comme les Blue Jays. Ces lanceurs-là sont sous contrôle de l'équipe. Quand tu commences à échanger des joueurs que leur contrat vient d'échéance, un peu comme les Jays ont fait avec J.A. Happ, tu peux pas t'attendre à avoir de l'autre côté des prospects de première qualité. Là, tu vas tu vas vraiment t'assurer d'avoir uniquement les éléments comme ça. Par contre, si tu regardes de l'autre côté, si tu veux t'assurer d'être capable d'aller chercher quoi que ce soit quand tu fais un échange de ce niveau-là, il va falloir qu'à un moment donné, tu donnes beaucoup. Donc, où est-ce que les Mets vont décider, est-ce qu'ils sont capables d'aller chercher ce beaucoup-là et est-ce qu'ils sont prêts à aller chercher ce beaucoup-là à ce moment-ci ou ils vont attendre encore une autre saison avec une vente de feu? C'est ça qu'il va falloir qu'ils décident de leur côté. Effectivement, puis hey, je sais pas si tu as lu Marc sur RDS.ca, j'espère qu'on a... J'espère qu'ils n'iront pas là. Ça me surprendrait beaucoup, mais semble-t-il que les Braves d'Atlanta auraient peut-être une possibilité de regarder du côté des Blue Jays pour Marcus Stroman. Moi, Stroman, là, c'est un lanceur que j'aime beaucoup. J'ai exagéré peut-être un matin quand je l'ai qualifié de lanceur numéro 1. C'est peut-être pas un lanceur numéro 1, mais par contre, tu sais, c'est un septième match de la série mondiale. Tu l'as déjà entendu cette fois-là. Qui tu donnes la balle? Marcus Stroman, c'est un lanceur chez les Jays que je donne la balle. Et ouais. Faudrait pas, tu sais, puis il est encore très jeune, il peut encore se développer. Depuis qu'il est revenu de la liste des joueurs blessés, il lance beaucoup mieux. D'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi les Jays l'ont pas placé sur la liste des joueurs blessés avant le début de la saison. Tout ça là, quelque part, j'espère que ça ira pas jusque là. Moi, je pense que le prochain à partir chez Jays, c'est Oxford le lanceur. En fait, je suis un peu d'accord avec toi. Où est-ce que je pense que ça ferait du sens peut-être pour Toronto, ça dépend toujours c'est quoi que tu veux l'échange pour Stroman. Où est-ce que ça pourrait faire du sens par contre pour les Jays, c'est si tu es capable justement d'aller chercher des joueurs vraiment de qualité pour un peu plus loin. Par contre, où est-ce que ça fait moins de sens, non seulement Stroman, c'est un lanceur qu'on a déjà vu dominant, mais c'est aussi un gars que tu as sous contrôle, c'est ce qu'on disait tantôt avec les Mets. Si tu décides d'échanger Stroman, ça veut dire que du côté des Blue Jays, il y a comme une admission aussi que tu crois pas que Sanchez et Stroman seront... Parce que dans le fond, les Blue Jays, quand on regarde, on s'en est parlé toute l'année, c'est quoi le futur de cette équipe-là? Il y a 4 noms. Il y a 5 noms, dans le fond. T'as Stroman avec Sanchez comme lanceur partant, t'as Osuna comme releveur numéro 1, puis t'as Bo Bichette avec Vladimir Guerrero. C'est plus que ça. Ça commence à être plus que ça, Bruno. Non, mais ça... Ouais. Je vais te dire une affaire, je suis beaucoup les... Fait longtemps que... Gros joueur. Ouais, je sais qu'il y a pas assez de gros joueurs, mais ça commence à ressembler... Sais-tu quoi? J'ai vu arriver les Marquise Grissom, les Rondell White, les Randy Johnson, Larry Walker, et ainsi de suite. Puis je vais te dire une affaire, de ce que je vois à Toronto là, actuellement, là, je te dis pas que ça va être ça. Ça va dire tout l'aspect de développement, comment qu'on l'utilise, et ainsi de suite. Mais maudit que ça, qu'ils ont une belle équipe pour le futur. S'ils développent bien. C'est ça, exactement. Mais c'est la question toujours la même. Est-ce que c'est ces joueurs-là que tu veux qu'ils soient le core? Ouais. Moi, c'est vraiment la question que je me pose. Puis si je suis une autre équipe, je me pose des questions si les Blue Jays pensent à échanger Stroman. Si les Blue Jays décident de laisser aller, je suis d'accord avec toi, on l'a déjà vu performer dans les séries, tout ça. Si tu décides de laisser aller... Oups, ça t'a perdu encore une fois. À ce moment avec Stroman. Oui, effectivement. Les Nationals de Washington, écoute, il y a des rumeurs qui commencent à circuler. Puis tu je l'ai vu passer, mais moins un petit peu que toi. On parle de Bryce Harper qui pourrait être sur le marché. Écoute, les Braves d'Atlanta, les Phillies de Philadelphie, c'est deux équipes qu'on n'a pas vu venir. Moi, les Braves, j'y suis assez régulièrement. J'ai le forfait NB X-Training, donc je les vois souvent. C'est une belle équipe. Ils ont beaucoup de blessés actuellement, mais c'est une belle équipe. Les Phillies, c'est des jeunes. C'était les Nationals qu'on attendait. On pensait une grosse année. Moi, il y a un gars qui me déçoit, c'est Dave Martinez. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Dave Martinez, il a été longtemps adjoint à Joe Maddon sur le banc avec Tampa Bay, même je pense qu'il était avec le suivi avec les Cubs, je pense. Et je m'aurais attendu mieux, à plus que ça, Dave Martinez. C'est là qu'on voit un bon adjoint, il faut pas nécessairement un bon gérant ou un bon entraîneur. Hein? Oui, puis tu sais, l'équipe du côté des Nationals, c'est une équipe complète. Là. On a bien beau regarder, oui, ils ont eu des blessures et tout, mais ça reste que c'est une équipe qui était vraiment pressentie pour aller loin. On l'a vu des dernières années, ils ont eu des ennuis en série, mais au moins gagner la division. T'sais, on n'attendait pas les Phillies à ce moment-ci, on n'attendait certainement pas les Braves non plus. C'est une équipe jeune. C'était l'année des Nationals avec la dernière année de contrat de Bryce Harper. Puis là, on est en train de spéculer à savoir est-ce que c'est le temps du côté des... Et c'est Steve Phillips qui le mentionnait ce matin du côté de TSN. Est-ce que c'est le temps du côté des Nationals de dire on a encore un bon noyau pour l'an prochain, on vient de mettre Steven Strasburg sur la liste des blessés. Est-ce qu'on échange des gars comme Daniel Murphy? Est-ce qu'on essaye d'échanger Bryce Harper? De toute façon, on pourrait leur signer si on veut à la fin de la saison. C'est un peu comme les Yankees ont fait il y a quelques années lorsqu'ils ont échangé Aroldis Chapman au Cubs de Chicago. Ils ont été chercher quelques bons jeunes, dont Gleyber Torres qui a une excellente saison avec les Yankees. Et à la fin de la saison, ils ont re-signé Chapman. Alors, est-ce que c'est la même chose du côté des Nationals de se dire, ben, On essaye, on échange quelques joueurs pour se repréparer pour l'an prochain parce que cette année, c'est pas le coup. On va être encore bon l'année prochaine. C'est peut-être une stratégie à prendre parce que là, il y a sept équipes à Nevada dans la course au meilleur deuxième. Ça commence à être loin. C'est sûr que c'est une équipe qui a du talent pour faire une run, comme on pourrait dire. Mais ça reste une équipe qui va être intéressante à surveiller. Ne serait-ce de si on a un mauvais week-end, là, il reste quelques jours avant la date limite des transactions. Est-ce que mardi prochain, ça serait le temps de dire, on envoie quelques gars et à l'extérieur, et là, à ce moment-là, le marché pourrait bouger. Donc, ça va être intéressant à surveiller du côté de Washington parce que quand on regarde l'ensemble de l'œuvre, les équipes qu'on pensait qu'elles allaient bouger, on les a vues bouger. Les Orioles, ils ont laissé aller quelques joueurs. Les Blue Jays ont laissé aller des joueurs. On a vu Braden qui a quitté du côté des Padres de San Diego. Donc, il y a quelques équipes qu'on sentait déjà qu'elles allaient bouger, qui ont bougé. Est-ce que les Nationals pourraient se rajouter puis faire bouger complètement? Moi, ça va être un élément que je trouve bien intéressant puis je vais regarder de près là, des prochains jours. Moi, j'ai hâte de voir Bryce. Je pense pas qu'on a changé. Mais j'ai hâte de voir comment qu'il va aller sur le marché des joueurs autonomes, Bryce Harper. J'ai très hâte de voir comment qu'il va aller chercher. Avec la saison qu'il connaît, puis la manière que le marché s'en va maintenant. Tu sais, je pense que ce qu'on a vécu l'année passée, là, on va le revivre cette année. Hein? Ouais. Les gars, ils n'iront pas chercher autant de millions. Je pense que c'est une nouvelle tendance. Oui, ça ressemblait à la collusion, je suis bien d'accord avec ça, mais c'est une nouvelle tendance qu'on va voir au cours des prochaines années. On peut dire de la collusion, mais quand on le regarde d'un point de vue des propriétaires, c'est juste la meilleure gestion d'actifs pour l'argent. En général, on l'a déjà parlé, là, c'est les administrateurs du baseball, c'est des gradués de l'université américaine, c'est des gens qui ont le côté business beaucoup plus développé. Donc, les anciennes croyances de penser que des joueurs vont se replacer, puis on va arranger des choses, puis donner des gros millions à des joueurs, puis espérer, on va voir de moins en moins ça. C'est juste une meilleure gestion des actifs. Puis à ce compte-là, ça va être intéressant de regarder. Puis ce que je pense aussi pour la date limite des transactions, Dan, si tu me permets de dire un point aussi, c'est, tu sais, George Donaldson, on n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a certains joueurs de ce type-là, comme Donaldson, qui vont revenir au jeu prochainement, puis qui pourraient peut-être être échangés par les joueurs, par les waivers là, au mois d'août. Là. Comme on a vu l'an passé, les joueurs qui passent par le ballottage, entre autres Justin Verlander, qui avait été échangé comme ça aux Astros de Houston. Ça serait peut-être pas surprenant de voir un gars comme Donaldson, tu sais, s'il peut revenir puis connaître une ou deux bonnes semaines. Peut-être une équipe qu'au milieu du mois d'août va faire quelque chose. Puis du côté des Blue Jays, je pense que c'est terminé. Là. Donaldson avec les blessures en plus, certains avec la façon avec laquelle on gère l'argent, je pense pas qu'on va donner un gros contrat à Donaldson. Donc, je pense que du côté des Blue Jays, tout ce qu'on peut espérer, c'est qu'ils reviennent, qu'il y ait deux bonnes semaines, puis qu'on puisse peut-être aller chercher un bon joueur d'avenir pour compléter l'année. Puis tout l'eau, c'est terminé. OK, Bruno, je sais pas si tu lis, si tu écoutes le podcast de Compte Complet avec Marc et Alain Giroux, qui est le lundi, qui sort le lundi sur le site de RDS. Et Marc, je vais y reparler, mais que j'y parle. Puis dans le fond, il a raison, Marc, qui dit ça. Tu sais, Alex Antopoulos a été beaucoup, beaucoup critiqué par les Jays de Toronto, par l'administration actuelle des Jays, Mark Shapiro, Ross Haskins. Mais quand tu regardes ça, le seul joueur qui performe, c'est Noel Syndergaard. Ouais. Tu sais, c'est là qu'on voit quelque part que, tu sais, ça a valu la peine. Oui, puis tu sais, dans le fond, quand tu regardes ça, t'as Syndergaard. Puis pour le reste, les joueurs, je me souviens de Hoffman, Travis d'Arnaud, on disait que ça allait être le prochain receveur d'avenir. Il y a eu plein de joueurs comme ça qu'on se souvient qui étaient supposés de performer. Puis ça fait rien que démontrer encore une fois que quand t'as l'occasion d'échanger des joueurs qui ont rien prouvé pour participer aux séries de championnat deux années en ligne, ben tu le fais. T'sais, dans le fond, c'est la réalité du sport, t'obtiens rien pour rien. Puis on avait parlé à l'époque, les gens critiquaient beaucoup. Oui, ça n'a pas d'allure. Un gars comme R.A. Dickey, ça n'a rien donné, tout ça. Mais tu peux pas frapper le grand coup à chaque fois. Tu as parlé de Toulot tantôt. Mm. C'est sûr que Tulowitzki n'a pas toujours amené ce qu'on aurait pensé qu'il a ramené. Mais en bout de ligne, qu'est-ce que ça a donné pour l'organisation des Blue Jays? Ça a été deux participations en ligne à la série de championnat. Puis c'est ça qu'on va retenir, je pense, plus d'Antopoulos. Plus ça passe, plus on se rend compte qu'il n'y a pas grand joueur. Oui, Thor, c'est un très bon lanceur qui est très dominant avec les Mets de New York. Mais si ça a coûté ça pour deux participations en ligne à la série de championnat, tu vas le faire n'importe quand. Ben oui, puis regarde, l'autre bord non plus. Tu sais, je me rappelle la transaction des Blue Jays avec les Phillies qui avaient envoyé Royal Holiday aux Phillies. Kyle Drabek était le lanceur supposément d'avenir des Blue Jays. Hey, ouais. On disait que il avait autant de potentiel que son père. Kyle Drabek est rendu où? Probablement chez eux. C'est ça. Fait qu'on a un autre bon exemple. Puis il y en a une liste à n'en plus finir non plus. Ouais. Donc, faut c'est sûr que s'il y a plein de joueurs, ce serait développé. D'autres personnes nous diraient, ben là, regardez tous les joueurs qui sont développés. Mais en même temps, même à ça, t'as atteint deux fois la finale de la Ligue. C'est comme ça que il faut que tu sois agressif des fois. Puis ça va manquer aux Blue Jays des prochaines années parce qu'il va peut-être falloir qu'on soit agressif à un certain moment donné, puis on n'est pas sûr qu'il y ait une administration. Non, oublie ça, là. On l'est pas pantoute. Moi, j'ai nommé Ross Haskins le Jacques Martin du baseball. Hey, en terminant, Vladimir, j'ai parlé avec Frédéric Degg. Vladimir, on l'a tout connu. Ouais. Ton meilleur souvenir, toi? Écoute, c'est un souvenir, c'est loin. Je me souviens très jeune, c'était une soirée, je me promenais dans la première voiture quand j'ai commencé à conduire à la fin des années 90. Puis c'était Jacques Doucet qui a décrit un circuit pour la victoire de Vladimir en 9e manche dans un match qui était face aux Phillies de Philadelphie au Stade Olympique. Okay. C'était vraiment, pour moi, c'est un souvenir marquant, là, l'émotion dans la voiture sur le circuit de Vladimir. Puis l'autre chose, c'est le premier match où je l'ai vu jouer au Stade Olympique dans la pratique au bâton. C'était spectaculaire. J'étais très, très proche de la cage des frappeurs, puis à peu près n'importe quoi. Tu sais, on l'entend beaucoup, hein, il frappait les balles au sol, mais c'était quasiment ça. Peu importe, là, il n'y a aucun lancé dans le fond. Tu sais, les joueurs laissaient parfois passer les balles dans l'exercice au bâton. Vladimir, il allait là, puis il avait 10 lancés, il frappait 10 balles comme il pouvait. Puis j'ai rarement vu des balles frapper autant d'aplomb avec des angles aussi bizarres. Vraiment, un joueur juste... Pour moi, ce qui me frappe de Vladimir, c'est ça, c'est habileté naturelle. Le talent, il sortait par les oreilles. Il aurait pu faire un peu plus si le focus avait été là, si les blessures auraient été peut-être un peu moins présentes. Mais d'un point de vue talent, là, c'est probablement le joueur là, avec le plus de talent qu'a passé dans l'organisation des Expos. Oui, probablement. Lui et Ellis Valentine. Moi, j'ai pas connu Ellis Valentine, mais ce qu'on me dit d'Ellis Valentine, c'est... Écoute, c'était... s'il y aurait eu le potentiel, Ellis Valentine aurait été meilleur que Dawson. Mais ça, on l'a pas connu, Valentine. Moi, écoute, malheureusement. Bruno, on s'en reparle dans 15 jours. Bonne fin de période. Il va y avoir beaucoup de rumeurs. Ça va être le fun de suivre les sites comme ESPN, comme Sportsnet et ainsi de suite. Donc, et l'MB Network également. Donc, on se redonne des nouvelles dans 15 jours. Oui, il reste 4 jours avant la date limite. Ça va être bien intéressant à surveiller. Bruno Boudon, le collaborateur de Baseball.